heureuse musique. Les piégés d'Anthrax. Admire. 2000 ans piégés d'Amiens de cancérogène. L'empereur. Les piégés de crack à Stalingrad. Blanc. Toutes les étoiles s'alignent, toutes, et les comètes se heurtent. Tu vois que je possède le gun, wow. Le même que Joseph Goebbels. Je fais ma gropette de seum, et puis j'observe le sbeul. Je rentre dans vos belles demeures, direct. Je sais que vos chefs me veulent. Chef. Ils veulent que je commette le meurtre, bah. Que je devienne obèse, je meurs. Obèse. Assemble nos pièces puzzle, nos pièces. Nique les fourgonnettes de keuf, des pickpockets rebeux. Ouais. Mange des côtelettes de bœuf, pécho une pochette de bœuf. La Jacques Erreur Bubbles. Wow. Dans mon lit, y'a des vieilles amaigries et des lay, la bectie. Tout l'oseille à becter me réveille l'appétit. Yes. La joint et le joint de la veille, j'apprécie. Je paye pas de crédit, je veux toucher le salaire de Neymar Messi comme dans DBZ. Mon appareil m'avertit de Marseille à Évry, j'émerveille ta chérie. Salope, salope, salope. J'ai besoin d'une bouteille à Zeti. Une bouteille de Dompé. Une bouteille de Dompé. Al Capote. LSDC. Personne peut nous dompter. Personne peut nous dompter. On est toujours foncedé. On est toujours foncedé. Fais enfoiré indépendant, producteur anonyme. Poto ici c'est Deus, oublie pas ta ventoline. Jean-Louis Vitas la met profond là-haut dans la colline. Je faisais de la tôle à l'époque où tu votais Ségolène. Nique ton épaule, je la vois jamais quand j'ai des vrais problèmes. Ramène des pétasses, la drogue avec un sac d'oseille. Ramène des plans, l'OV s'il te plaît, pas nous tes conseils. Dès matin, je suis défoncé, j'ai pas trop d'émotion. Je sais même pas ce que j'ai dépensé, je fais sauter la caution. Ramène tes plans, des PC tasse, une tasse et de la potion. Dédicace au mec en rétention, en détention. Pour braquage en tout genre, trafic et extorsion. Combien de fois j'ai tourné, j'ai pas reçu un mandat. Heureusement je connais Sauron, Bakary et Mancha. Qui m'envoie des pâtés du shit sur un yo-yo Andra. Combien de fois on m'a dit un jour, tu comprendras. Wesh Al Capote, je suis en super boc. Je vais que baiser, traverser l'époque. J'ai mon passeport, une pute et mon Glock. 2-3 sicarios qui m'escortent. J't'ai déjà dit avec gueule dans, je vais pas au BDA. Fais l'enfoiré, je suis trop connu comme PPDA. Change de planque, change de plaque comme dans GTA. Joue au blackjack, au black, parce qu'il a TVA. J'lave comme un pack-pack, j'ai rechargé mon Beretta. Dans mes oreilles, les diables et les démons causent. Les démons. Je bois le lait qu'il y a dans ces tétons roses. Ces tétons. J'squatte les maisons piégées et les maisons closes. Décompose, les visages se décomposent. Je suis dans un sale état, j'ai mal, je me sens comme un vétéran qui est passé par le Vietnam. Le visage marqué par le chétan, avec le crâne zérage les charmes. Je me régénère comme la chatte de Maeva Guénam. Allez, je crache des flammes, maintenant je m'arrête pas, je les crame. Je suis de l'âme née d'Amsterdam, je suis à Marbella et je crâne. Je garde toujours le sourire avec ma vieille dame. Dans son nouveau soutif, on lâchait qu'à des grammes. Je sors des marécages, fais gaffe. Dans les favelas, je débarque ruire, mozzarella, cheddar. Je mange pas de paella vegan. Il faut le salaire à Beckham et que je m'achète la bécane. Son offre anarchie, lunettes quartier, Carrera, Ray-Ban. De la drogue dans mes cellules, on va forcer les serrures. Je vais m'occuper de ces nuls, ils vont regretter c'est sûr. Je dois recruter des mules, elles vont penser mes blessures. Si je finis comme un légume, la carrosserie plein de rayures. La carrosserie plein de rayures.